Section 1 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johann. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. L'Europe féodale, les croisades, 1095-1270, publié par Ernest Lavisse et Alfred Rambaud. Chapitre 1. Le régime féodal de ses débuts à la fin du XIIIe siècle. Introduction et première partie. Les paysans, par Charles Seignobos. Les pays qui formaient l'empire de Charlemagne ont subi, pendant le Xe siècle, une transformation profonde dont les détails nous sont inconnus, faute de documents. Quand la lumière commence à se faire, vers la fin du XIe siècle, la société et le gouvernement apparaissent transformés. C'est cette organisation nouvelle que les historiens ont appelée le régime féodal. Ce régime est né dans la période obscure qui suit la dissolution de l'empire carolingien. Il s'est formé lentement, sans l'intervention d'un gouvernement, sans l'aide d'une loi écrite, sans aucune entente générale entre les particuliers, uniquement par une transformation graduelle des coutumes qui s'est opérée plus ou moins tôt, mais à peu près de même façon, en France, en Italie, dans l'Espagne chrétienne et en Allemagne. Puis il a été transplanté en Angleterre et dans l'Italie du Sud, dès la fin du XIe siècle, dans les États latins d'Orient au XIIe et au XIIIe, dans les pays scandinaves à partir du XIVe siècle. Ce régime, ainsi constitué par une sorte de croissance naturelle sans aucun plan d'ensemble, n'a jamais été uniforme et n'a jamais fonctionné très régulièrement. Il est impossible de le résumer en un tableau parfaitement exact. Impossible de donner d'aucun des usages de ce temps une formule qui soit rigoureusement vraie. Impossible de rien en dire de général qui ne soit en contradiction avec plusieurs cas particuliers. Aussi aucun érudit ne s'est-il risqué à publier une étude d'ensemble du régime féodal. Tout ce qu'on peut tenter pour le présent, c'est de rassembler les traits caractéristiques les plus habituels de la société et des usages dans les pays féodaux du Xe au XIIIe siècle. Trois usages communs à tout l'empire de Charlemagne ont dominé et modelé la société. La grande propriété, l'obligation pour les propriétaires laïcs de s'équiper et de faire campagne à leurs frais, la position du clergé comme propriétaire. La société s'est divisée en deux classes, la masse des paysans, établie sur les grands domaines, l'aristocratie des possesseurs du sol, formée de deux catégories, gens de guerre et gens d'église. 1. Les paysans. Les grands domaines. À partir du IXe siècle, il ne reste plus guère dans l'empire carolingien de petits propriétaires cultivant eux-mêmes leurs terres, sauf peut-être dans la banlieue des villes du Midi et dans quelques régions reculées des hautes montagnes ou des côtes. Presque toute la terre appartient à de grands propriétaires qui ne travaillent pas de leurs mains. Comme elle a peu de valeur, elle est divisée en domaines d'une étendue supérieure à tout ce que nous appelons aujourd'hui une grande propriété, comparable seulement au domaine des seigneurs russes avant l'abolition du servage ou aux plantations des États-Unis du temps des esclaves nègres. Le domaine s'étend sur tout le territoire d'un village contemporain. La plupart de nos communes de France ne sont que d'anciens domaines et beaucoup en ont gardé le nom, Clichy, Palaiseau, Issy, Ivry, etc. Dans chaque domaine, les terres étaient divisées en deux parts d'étendue inégale. La plus petite, d'ordinaire les terres voisines de la maison du maître, formait la réserve que le propriétaire conservait pour l'exploiter directement et à son profit. C'était la terre du maître, indominicata. Ce qu'elle produisait appartenait au propriétaire. Là s'élevait la maison de maître, où demeurait sinon le propriétaire, du moins son intendant. Le reste du domaine était distribué entre un certain nombre de familles de paysans établies sur le domaine. Elles habitaient le plus souvent des cabanes agglomérées auprès de la maison du maître, de façon à former un village. Chaque famille cultivait de père en fils un même lot de terre, formé d'ordinaire de plusieurs parcelles dispersées sur toute l'étendue du domaine. Les cultivateurs gardaient les produits du champ, mais, en échange, devaient aux propriétaires des redevances et des services et vivaient dans sa dépendance. Les redevances et les services variaient à l'infini, suivant les conventions établies à l'origine ou suivant la coutume des pays. Aucune loi ne réglait les charges que le propriétaire pouvait imposer à ses paysans, ni l'étendue de terre qu'il devait leur donner. Mais les conditions très uniformes de la vie avaient produit presque partout des régimes très analogues. Cette organisation apparaît déjà dans le registre de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, rédigé à la fin du règne de Charlemagne. À chaque domaine est consacré un chapitre, où sont énumérées d'abord la réserve du maître avec la récolte, puis les paysans, leurs familles, l'étendue de leur tenure, les redevances et leurs corvées. Voici par exemple le domaine de Palaiseau. Il y a à Palaiseau une terre de maître, avec une maison et les autres bâtiments nécessaires. Il y a, en terre arable, 6 coutures qui ont 287 bonniers, où l'on peut semer 1300 boisseaux de blé, en vigne 127 arpents, où l'on peut récolter 800 mesures de vin, en pré 100 arpents, où l'on peut récolter 150 chars de foin. Il y a en forêt estimée en gros une lieue de tour, où l'on peut engraisser 50 porcs. Il y a 3 moulins qui rapportent une redevance de 154 boisseaux. Il y a une église avec toutes ses fournitures. Walfrid, Colomb et sa femme, Colonne, homme de Saint-Germain, ont avec eux 2 enfants nommés. Ils occupent 2 manses ingénuiles. Pour chaque manse, ils payent 1 bœuf, laboure à l'hivernage, 4 perches, fait les corvées, charroi, main-d'œuvre quand il lui est ordonné, paie 3 poulets, 15 œufs. Hermond, Colomb et sa femme Colonne, homme de Saint-Germain, ont avec eux 5 enfants. Il occupe un manse ingénuile contenant en terre arable 10 bonniers, en vigne 2 arpents, en pré un demi-arpent. Il paie de même. Suivent 110 articles semblables de Colomb qui occupaient chacun un manse. Maurus, Serre et sa femme Libre, homme de Saint-Germain, ont avec eux 2 enfants. Guintold, Colomb de Saint-Germain. Ces gens occupent un manse servile contenant en terre arable 2 bonniers, en vigne 2 arpents et demi, en pré 1 arpent et demi. Ils font une corvée de vigne de 8 arpents, payent les mesures de vin, 2 sétiers de moutarde, 3 poules, 15 œufs, font main d'œuvre, corvée, charroi. Le chapitre de Palaiseau se termine ainsi. Cela fait en tout 117 manses, tant ingénuiles que serviles. Excepté la réserve que le propriétaire fait valoir directement au moyen de la corvée, le domaine est découpé en tenures. Ce sont les manses, divisées ici en 2 catégories. Les ingénuiles, plus grandes, ont, à en juger par leur nom, été occupées d'abord par des tenanciers libres, les serviles, plus petites, par des esclaves du propriétaire. Mais cette répartition n'a pas duré, car dans le registre même qui nous l'a fait connaître, nous voyons qu'elle a cessé d'être observée. On trouve des serres sur des manses ingénuiles et inversement. Un inventaire des domaines de Charlemagne de 810 montre un régime tout semblable établi dans une île d'un petit lac des montagnes de Bavière, Staffelsee. De ce domaine dépendent 83 manses ingénuiles. Il y en a 6 dont chacun rend annuellement 14 boisseaux de grains, 4 porcs, 2 poules, 10 œufs, un setier de grains de lin, un setier de lentilles. Fait annuellement 5 semaines de corvée, laboure 3 journaux, coupe dans le pré du maître une chartée de foin et le rentre, etc. Les documents très rares du IXe et du Xe siècle ne permettent pas d'affirmer que tous les domaines fussent organisés ainsi. Nous en connaissons même qui ne présentent pas l'ordonnance régulière des domaines de Saint-Germain, où rien n'est uniforme, ni la contenance des tenures, ni les redevances, ni les corvées dues par les tenanciers. Le manse, même, qui paraît sur les terres de Saint-Germain, correspondre à une valeur, sinon à une contenance fixe, n'est dans la plupart des pays du Midi qu'un nom vague porté par toute tenure attachée à une maison rurale. Souvent, au lieu du manse, on trouve la colonica, tenure de colon, qui semble consister en terre dépendant d'une maison isolée. Les tenanciers, alors, au lieu d'habiter ensemble à côté de la maison du maître, demeurent disséminés sur le domaine. Sur quel pays s'étendait ce régime d'exploitation rurale? La statistique qui pourrait nous l'apprendre ne peut être faite, faute de documents. Mais il est probable qu'il était d'origine romaine et dominait presque tout l'ancien territoire romain de la Gaule, excepté les régions montagneuses des Pyrénées et les environs des anciennes villes romaines, surtout dans le Midi et dans les vallées du Rhône et de la Saône. C'est du moins le seul que présentent les documents isolés de cette période obscure, et c'est celui qu'au XIIIe siècle on trouve établi dans presque toute la France. C'est aussi le régime habituel de l'Italie au XIIIe siècle. Mais dans la banlieue des villes, qui forment une bonne partie du territoire et la plus riche, les propriétaires donnent leurs terres à des métayers ou à des fermiers, souvent par un bail perpétuel, l'antique emphytéose. L'Espagne aussi avait sa population de paysans tenanciers. Mais, dans les pays restés chrétiens, beaucoup de cultivateurs habitaient les bourgs fortifiés, et dans les pays conquis sur les morts se conserva en partie l'organisation rurale de l'Orient. En Allemagne, où les petits propriétaires étaient peut-être nombreux encore au temps de Charlemagne, l'exploitation par les tenanciers, introduite probablement par les couvents et les princes, gagna bientôt tout le pays, sauf quelques régions des Alpes et les plaines voisines de la mer du Nord, où se conservèrent des paysans propriétaires. Il en fut de même des pays scandinaves, mais seulement après le XIVe siècle. Pour l'Angleterre, le cadastre, dressé par les rois normands, montre tout le pays couvert de grands domaines divisés en parcelles que des tenanciers occupent moyennement corvées et redevances. Cette organisation paraît antérieure à la conquête normande. Ainsi, le régime de la grande propriété, des tenures héréditaires, des redevances et des corvées domine toute l'Europe civilisée. Il ne s'arrête à l'ouest qu'aux montagnes de Galles et d'Écosse, au sud que devant les pays musulmans. À l'est, il s'étend indéfiniment à mesure que les peuples slaves se civilisent. Dans les traits fondamentaux, cette organisation est constituée dès le Xe siècle. Elle apparaît complètement formée dans les documents vers la fin du XIe siècle et ne se modifie presque plus jusqu'au XIVe. On peut donc essayer de donner une idée de la condition des paysans dans cette période. Le village. C'est encore le grand domaine qui domine toute la vie du paysan. La maison du maître est devenue une maison forte, parfois un château, avec sa réserve. Terre, vignes, prés, étangs, forêts, fort étendues, à juger d'après nos habitudes. Auprès sont groupées les habitations des tenanciers, de deux types différents. La maison complète, bâtie autour d'une cour et joignant à un jardin celle du paysan aisé, possesseur d'un attelage de bœufs. La cabane, formée d'un seul corps de bâtiment, habitée par le cultivateur qui n'a que ses bras pour travailler. Par l'accroissement de la population, l'agglomération est devenue un village, quelquefois, mais rarement, un bourg enclos d'une muraille. En France, elle conserve le vieux nom romain du domaine, villa. On l'appelle ville, et les paysans s'appellent villains. Les terminaisons ham en Angleterre, heim, hausen en Allemagne ont un sens analogue. De ce village dépend un territoire. On l'appelle dans le nord de la France le finage, dont les limites sont restées celles de l'ancien domaine. Il est arrivé souvent que dans le cours des siècles, le domaine a été divisé entre plusieurs propriétaires qui se partagent la réserve et les paysans. Mais le territoire, comme l'agglomération, reste immuable. Partout en Allemagne, comme en France, le domaine s'est fixé par une longue habitude. D'ordinaire, il est devenu la commune moderne. Ainsi, les grands propriétaires de jadis ont tracé le cadre et créer l'unité fondamentale de nos administrations démocratiques. Comme il restait des terres désertes et des forêts à défricher, principalement en Allemagne, il s'est créé des villages nouveaux pendant tout le Moyen-Âge, surtout au XIIIe siècle, mais ils ont été constitués sur le modèle des anciens. Le territoire du village, sans parler de la réserve, est découpé en parcelles que les paysans se transmettent de père en fils. Si dans certaines contrées d'Allemagne l'habitude ancienne a été de mettre en commun toutes les terres et de les partager à nouveau entre les habitants, ce qui n'est pas du tout démontré, cette coutume a disparu partout au Moyen Âge et les tenures demeurent à perpétuité dans la même famille. Il est très rare que la tenure soit formée d'un morceau de terre d'un seul tenant. D'ordinaire, elle consiste en plusieurs pièces de terre disséminées dans les divers quartiers du territoire, sous la forme de longues bandes minces, comme on peut en voir encore dans les plaines du nord-est de la France et de l'ouest de l'Allemagne, où s'est conservée la délimitation traditionnelle des champs. Le morcellement remontait souvent à l'organisation primitive du domaine. Il répondait à un système d'assolement triennal très usité au IXe et Xe siècle. Blé d'hiver, blé de printemps, jachère. Il s'était accru dans le cours des siècles, car le tenancier, au moins en France, avait le droit de subdiviser sa tenure pourvu que les nouveaux possesseurs continuassent d'acquitter les charges. Le nombre des parcelles pouvait augmenter indéfiniment, et aussi celui des tenanciers, jusqu'à la limite des ressources du territoire. Si la limite était franchie, une famine ou une épidémie rétablissait l'équilibre entre la population et les subsistances. En Allemagne, les tenures devinrent souvent indivisibles. À partir du XIIe siècle, il se forma une classe de paysans aisés. Il serait chimérique de vouloir fixer le chiffre de la population rurale de l'Europe, même au XIIIe siècle. Les documents ne sont ni assez complets ni assez sûrs. Il est seulement vraisemblable, d'après l'analogie de l'Inde et des pays musulmans, que la population étant misérable, prolifique et fixée au sol, a dû atteindre une densité très élevée. On désignait sous un même nom, rustici, paysan, vilain, bauer, cultivateur, toute la population des campagnes. Le sens attaché en France au mot « vilain » montre assez que les autres classes de la nation ne distinguaient pas entre les paysans et les englobaient tous dans le même mépris. Pourtant, dans cette classe inférieure, se trouvaient mélangés des gens dont la condition à l'origine avait été profondément différente, et de cette différence, il restait assez pour former encore deux catégories marquées dans les actes français du temps par des noms différents, les serfs et les francs. Les serfs. Les serfs étaient les descendants, ou du moins les successeurs, des anciens esclaves, servis, romains. Mais dans le cours des siècles, leur condition s'était graduellement améliorée. Le maître était en même temps propriétaire. Il ne voyait dans l'esclave qu'un instrument de culture et ne lui demandait que de mettre en valeur son domaine. Les esclaves ruraux, ayant cessé d'être vendus, purent se marier et restèrent fixés sur le même domaine, y faisant souche de cultivateurs. Chaque famille reçut du maître une maison et un lot de terre qu'elle se transmit de génération en génération et que le maître renonça à reprendre. Le serf était devenu un tenancier. Par le fait seul que les esclaves avaient été réduits au rôle de cultivateurs et que le maître ne leur demandait plus de service personnel, l'esclavage s'était transformé en servage. De même qu'en sens inverse, dans la Russie du XVIIIe siècle, les seigneurs, en imposant aux serfs de leurs terres les rôles de laquais et de femmes de chambre, ont reconstitué un esclavage semblable à l'esclavage antique. Le serf n'avait pas reçu sa tenure en don gratuit. Le propriétaire, resté son maître, exigeait de lui des redevances et des corvées plus lourdes, souvent à discrétion. Il était taillable et corvéable à merci, suivant l'expression énergique du temps. Toutefois, la coutume était si forte au Moyen Âge qu'elle finit souvent par fixer même les charges des serfs. Le propriétaire ne pouvait plus rien leur réclamer au-delà de ce qu'ils avaient toujours payé. En sens inverse, il n'était pas toujours nécessaire d'être serf pour être taillable à merci. Il semble bien que les charges particulières aux serfs et caractéristiques de sa condition étaient, au Moyen Âge, celles qui marquaient encore une dépendance personnelle, la capitation, le formariage, la main morte. La capitation est une redevance due par tête et payée d'ordinaire annuellement. Le maître l'a imposée à ses serfs en vertu de son droit absolu. C'est un souvenir de la servitude. Le formariage est une redevance payée au seigneur propriétaire par le serf ou la serve qui épouse une personne étrangère à la seigneurie. Tant que les tenanciers du même propriétaire se marient entre eux, ils ne sortent pas de sa dépendance et leur mariage lui est indifférent. Tout au plus donne-t-il naissance à une légère redevance. Mais, en se mariant au dehors, la femme serve échapperait à son maître. Elle ne peut le faire qu'avec son autorisation. Le fort mariage, c'est apparemment le prix payé au maître pour obtenir son consentement au mariage. La main morte est le droit du maître de prendre possession de la succession de son serf quand il meurt sans laisser d'enfant vivant avec lui. La famille serve ne possède sa maison et son champ que par une tolérance du maître, seul véritable propriétaire. La coutume s'est établie de laisser la tenure dans la famille tant qu'elle continue à vivre en commun. Mais si la famille vient à s'éteindre ou à se disperser, la tenure retourne au propriétaire sans qu'il ait à tenir compte des collatéraux ou même des enfants de son serf établis ailleurs, car c'est à lui qu'elle appartient. Ou, s'il consent à la rendre aux parents de son serf, c'est moyennant un prix de rachat assez élevé. C'est ce droit de déshérence qu'on appelle « main morte ». Le mot apparaît au XIe siècle. La coutume ou des contrats particuliers ont souvent fixé le chiffre du rachat. Dans beaucoup de pays germaniques, Angleterre, Allemagne, Flandre, le droit se réduit pour le maître à prélever sur la succession un objet ou une tête de bétail. Pour la même raison que le serf ne peut léguer sa tenure après sa mort, il ne peut, durant sa vie, la vendre ou l'aliéner sans le consentement exprès de son seigneur. De la servitude primitive s'est longtemps conservée une trace plus significative. Le serf établi sur un domaine ne pouvait en être séparé par son maître, mais lui-même, de son côté, n'avait pas le droit de s'en éloigner pour s'établir ailleurs. S'il partait sans permission, il faisait tort à son maître en le privant de ses services. Le maître avait le droit de poursuivre le fugitif et de le faire revenir. C'était le droit de suite. On voit les seigneurs prendre des mesures contre ces désertions en s'entendant avec les seigneurs voisins pour s'engager à se rendre mutuellement leurs serfs. On en voit d'autres faire des enquêtes pour rechercher les serfs qui essayent de leur échapper, soit en dissimulant leurs conditions, soit en s'établissant sur les terres d'autres seigneurs, soit en entrant dans le clergé. Le comte de Flandre, Charles, fut assassiné en 1127 pour avoir engagé une recherche dans laquelle une famille de dignitaires issus d'un serf se trouvait compromise. La rigueur de ce droit de suite s'adoucit de bonne heure. En France, au XIIe siècle, l'usage paraît établi que le serf peut aller s'établir au loin, d'ordinaire à deux conditions. Il doit prévenir solennellement son seigneur, ce qu'on appelle le désavoué. Il doit renoncer à tous les biens qu'il possède sur les domaines de son seigneur. Le servage existait sous des noms différents dans toute l'Europe. Il semble que les serfs formaient la masse de la population rurale dès le temps de Charlemagne. Et leurs descendants naissaient serfs. La tenure même avait fini par s'imprégner de leurs conditions serviles et la transmettait aux gens qui venait l'occuper. En vivant sur une tenure servile, un homme libre devenait serf. C'est ce que les juristes appelaient servitude réelle. L'affranchissement. Par contre, le serf pouvait devenir un homme libre. Il pouvait personnellement être affranchi par son maître, comme l'esclave antique, au moyen d'une cérémonie symbolique ou par un acte écrit, charte. Cette dernière forme est la seule qui persista pendant le Moyen Âge. Mais l'affranchissement individuel devint de plus en plus rare. Presque toujours le maître affranchissait à la fois tous les serfs d'un domaine, transformant par un seul acte la condition de tout un village ou de tout un quartier. On comprend assez que le maître n'agissait point par générosité. Les serfs achetaient leur liberté. D'abord en payant une somme, surtout depuis le XIIe siècle, quand l'argent fut devenu moins rare. Puis, en s'engageant à perpétuité, eux et leurs successeurs, à payer des redevances spéciales qui rappelaient leurs conditions antérieures. En échange, le maître renonçait à exiger d'eux les charges particulières aux serfs, surtout la main morte. Souvent aussi, il renonçait aux redevances arbitraires et s'engageait à ne plus lever que des redevances fixes, mais ce n'était pas la conséquence nécessaire de l'affranchissement. La situation des affranchis dépendait uniquement des conditions convenues entre eux et leurs maîtres. et stipuler expressément dans un contrat écrit une charte. En tout cas, ils restaient les tenanciers du domaine. Et comme il n'y avait entre le tenancier serf et le tenancier franc qu'une différence de charge, leurs conditions n'étaient pas modifiées aussi fortement que le feraient croire les formules pompeuses employées dans certaines chartes pour vanter les bienfaits de la liberté. Les serfs refusaient parfois de payer ce bienfait au prix qu'on y mettait, et c'était le seigneur qui les forçait à l'acheter. Les vilains francs. De tout temps, sur les grands domaines, étaient établis des hommes libres. Au temps de l'Empire, à côté des esclaves, c'étaient les colons, plus tard aussi l'élite germanique. Les chartes, pour désigner les habitants d'un domaine, disaient « les hommes tant francs que serfs ». Les hommes francs, au contraire des serfs, ne devaient rien au maître. Ils ne dépendaient de lui qu'en tant que propriétaire, parce qu'ils demeuraient sur ses terres. C'étaient des fermiers ou des métayers à perpétuité. Leur tenure était un fragment du grand domaine. Ils la cultivaient à leur profit, à condition de payer soit une redevance fixe, analogue à nos prix de fermage, soit une partie déterminée de la récolte, comme nos métayers. Au contraire d'un fermier ou d'un métayer, leurs conditions étaient fixées pour toujours. Le propriétaire ne pouvait ni leur reprendre la terre, ni augmenter leur redevance. À condition d'acquitter les charges anciennes, ils pouvaient disposer librement de leur tenure, la léguer à leur volonté, l'aliéner, même du moins en France, la morceler. Les plus favorisés ne devaient qu'une somme annuelle, la censive ou cens, fixée très anciennement et devenue très faible par l'avilissement de l'argent. La plupart devaient différentes redevances, peut-être variables, parfois même arbitraires, mais devenues régulières par l'usage. Souvent le seigneur avait accepté, moyennant finance, un contrat d'abonnement consacré par une charte qui limitait à un chiffre ou à une proportion fixe chaque redevance. Les tenanciers étaient devenus abonnés. Peut-être restait-il, au XIIIe siècle, des tenanciers libres soumis encore à la taille et à la corvée arbitraire, mais à coup sûr, ils étaient peu nombreux. Les hôtes, nombreux dans quelques provinces, étaient aussi des hommes libres. Leur nom indique à l'origine des étrangers admis sur le domaine, probablement pour défricher des terres encore incultes. Les bordiers de Normandie, les cottagers anglais, les cossats d'Allemagne, étaient de petits tenanciers, logés dans des chaumières, dépourvus de gros bétail et qui payaient leur tenure plutôt par des corvées que par des redevances. Les proportions des différentes sortes de paysans variaient avec les pays et ont varié avec les temps. Il semble que les serfs ont dominé d'abord, au moins dans le nord, mais leur nombre a toujours diminué. Le servage était un résidu de l'esclavage antique et du servage germanique, fixé sur la terre et par la terre. Mais il avait cessé de se recruter parce qu'on ne faisait plus de nouveaux esclaves. À mesure qu'un village de serfs obtenait une charte d'affranchissement, le territoire du servage se rapetissait. Et il ne s'agrandissait plus, car jamais une terre libre ne redevenait serve. Dans les pays les plus civilisés, l'Italie, le Midi de la France, la Normandie, où l'évolution s'est faite plus rapidement, elle était déjà presque complète au XIIe siècle. Il n'y restait que des paysans libres. Fin de la section 1.